Moi qui l'aimais tant, tant j'ai zoné dans la ville de ce vent. J'ai le cœur brisé, quand vient l'idée, lui dire adieu. Moi qui l'aimais tant, tant j'ai zoné dans la ville de ce vent. J'ai le cœur brisé, quand vient l'idée, lui dire adieu.